Négation. Reading the example sentences. Le bureau régional est à Victoria. Le bureau régional n'est pas à Victoria. Tu as un bureau ici? Tu n'as pas de bureau ici? J'ai de l'espace. Je n'ai pas d'espace. Il n'y a pas d'escalier. C'est un bureau? Ce n'est pas un bureau.